Tu es certainement le plus beau jour de ma vie, mais ça coïncide étrangement avec la mort de mes envies. Tu as opéré un changement radical de mes ennuis, qui se résume à faire du rangement et à ne plus dormir la nuit. Je t'aime de tout mon cœur, la question ne se pose même pas. Je me sentais comme un arbre en fleurs la première fois que t'as dit papa. Et tu as avancé d'une heure, l'heure à laquelle je prenais mes repas. Je m'adorais au lieu de regarder Anna. Si j'avais su, j'aurais mis une capote. Cela m'aurait évité ta venue. J'aurais dû écouter mes potes. Oui, ils m'avaient pourtant prévenu. Si j'avais su, j'aurais mis une capote. Cela m'aurait évité ta venue. J'aurais dû écouter mes potes. Oui, ils m'avaient pourtant prévenu. Tu veux changer mon alimentation ainsi que mon hygiène de vie. Tenant cette purée au jambon même, tu rends les repas de famille. Le pire, c'est dans mon salon là, tes courses c'est fini. Il y a des jouets à foison qui chaque jour s'éparpillent. Ce que je redoute le plus, c'est de changer tes couches. Surtout quand je viens de te faire prendre la douche. Quand tu es enrhumé, il faut que je te mouche. Sinon ce qui sort de ton nez se retrouve dans ta bouche. Si j'avais su, j'aurais mis une capote. Cela m'aurait évité ta venue. J'aurais dû écouter mes potes. Oui, ils m'avaient pourtant prévenu. Si j'avais su, j'aurais mis une capote. Cela m'aurait évité ta venue. J'aurais dû écouter mes potes. Oui, ils m'avaient pourtant prévenu. Oui, tu sais, tu es le fruit du hasard, un essai, le résultat d'un coup d'un soir. Car en vrai, j'avais bu, il était tard, et moi comme un taré, je ne m'étais pas protégé. Si j'avais